Quand les yogis pratiquent la méditation, ils ont la méditation assise et après ils font la méditation en marche. Puis il y a la troisième section des autres activités à part l'assise et la marche. Les yogis croient que la méditation assise est la seule chose importante pour pratiquer. Ils ne marchent pas beaucoup, ils n'ont pas assez d'énergie pour marcher ou ils ne pensent pas qu'elle soit importante. Vu qu'ils croient que seulement la méditation assise est importante, ils lui donnent la priorité et ils pensent que la méditation en marche n'est pas importante. En fait, la concentration assise est claire et forte seulement à cause de la concentration en marche. La concentration en marche est plus importante pour renforcer la concentration assise. Elle supporte et renforce la concentration de l'assise. Si vous voulez avoir une forte concentration pendant la méditation assise et si vous voulez expérimenter le Dhamma rapidement, alors vous devez faire la méditation en marche pour gagner la concentration en marche, pour après avoir une forte concentration assise. Et ensuite, vous aurez le Dhamma plus rapidement. Si la concentration de la méditation en marche doit être forte, si vous voulez être capable d'avoir une bonne attention pendant la méditation en marche, alors vous devez avoir une bonne concentration pendant les activités quotidiennes, car la concentration gagnée en observant les activités quotidiennes supporte la concentration en marche. Par conséquent, quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, quand vous vous penchez, quand vous vous étirez, quand vous vous habillez, quand vous mangez, quand vous buvez, toutes les activités que vous faites, vous devez chercher à les observer pour en manquer aucune. Seulement si vous faites ça, vous allez renforcer la méditation en marche. Si votre méditation en marche est bonne, alors votre méditation assise sera bonne et votre pratique progressera et vous serez capable d'expérimenter le Dhamma. Pour cette raison, la méditation en marche est très importante, mais pas seulement pour soulager la raideur de l'assise. Elle supporte aussi notre santé et elle supporte la pratique assise afin de développer le Dhamma. Pour ces raisons, le Bouddha a dit la méditation en marche porte cinq bénéfices. Quand quelqu'un pratique la méditation en marche méticuleusement, elle apporte cinq bénéfices. Le premier est Adhanakamo Otti. Signifie qu'une personne est capable de parcourir des longues distances. Quand marcher devient une habitude, alors quand il y a une occasion, une situation où vous devrez marcher, vous pourriez le faire pendant longtemps et sans vous fatiguer. La méditation en marche rend le corps fort et renforcer le corps porte la bonne santé et la bonne santé rend l'esprit frais. Ceci est le bénéfice de la méditation en marche. Quand on pratique la méditation en marche, on gagne une bonne concentration en marche, on gagne de la bonne santé, on peut parcourir de longues distances si nécessaire, et il y a beaucoup de bénéfices qui viennent de la méditation en marche. La deuxième est Padanakamo Oti. Padana signifie effort physique et mental, une sorte d'effort ardu. Quand l'effort doit être fait d'une façon déterminée et rapide, ça est la signification des padanas, un effort mental et physique vigoureux. Quand on cherche dénoter, lever, avancer, placer, faire ça comporte un effort ordinaire, virya. Mais quand on cherche à le maintenir, alors un autre niveau d'effort est impliqué. Afin de pouvoir noter, lever, avancer, placer, vous devez avoir un effort mental aigu. Quand on pratique la méditation en marche, on doit avoir ces deux types d'efforts. Mais si on ne pratique pas la marche, notre effort est réduit. Ça signifie que la paresse apparaît. Après être resté assis pendant 1 heure, si la personne est trop paresseuse pour s'élever et faire 1 heure de méditation en marche, alors les sensations douloureuses, Vedana, ne vont pas disparaître. Si vous expérimentez Vedana, les sensations dans l'assise, Après, vous vous levez, mais vous ne faites pas 1 heure de méditation en marche. Quand vous allez vous asseoir à nouveau, ces vedanas vont retourner rapidement. Donc, s'il vous plaît, faites un effort pour pratiquer la méditation en marche. Si vous faites des efforts dans la méditation en marche, il y aura beaucoup de bénéfices. Le troisième bénéfice est Apabado Oti. C'est l'être libre des maladies. Les maladies sont réduites, donc on est en bonne santé. Si vous pratiquez seulement dans une posture, si vous ne marchez pas, mais vous restez seulement en méditation assise, debout ou couché, vos postures ne sont pas équilibrées. Donc, votre circulation sanguine ne sera pas bonne. Si vous faites de la méditation en marche, vous allez améliorer votre circulation. Et si votre circulation est bonne, alors votre santé est bonne. Par conséquent, pour être en bonne santé et gagner de la concentration, on doit pratiquer assez de méditation en marche. Ça est le troisième bénéfice qui vient de la méditation en marche. Le troisième est Asittam, Pittam, Kayittam, Saittam, Samma, Parinamam, Gassati. Les choses qu'on mange, on boit, on mâche, ou par exemple quand on mange de la glace, on va la lécher. Donc il y a plusieurs façons de manger. Quand on mange et on boit, la digestion sera rendue facile à travers le support de la méditation en marche. Si on ne fait pas de méditation en marche, la nourriture ne sera pas bien digérée. Donc, on doit pratiquer de la méditation en marche. La méditation en marche permet à la nourriture d'être bien digérée. Quand elle est bien digérée, elle nous nourrit. Quand le système digestif marche bien, alors on évite des petits désagréments comme des maux de tête et elle supporte notre santé de cette façon. Il y avait, au jour d'autrefois, 4 moines qui étaient ordonnés avec l'objectif de gagner la libération de la souffrance. Ils avaient le bon objectif. Quand ils terminaient de manger, ils ne se couchaient pas dans leur lit, ils ne faisaient pas une sieste. Ils pratiquaient de la méditation en marche et ça supportait leur santé ainsi que leur apportait de la bonne samadhi, concentration. La cinquième est Kankamadigato, Samadhi, Chiratitiko, Hoti. Et que la personne qui fait de la méditation en marche gagne de la bonne concentration rapidement. À cause de la bonne concentration, la connaissance devient claire. Par conséquent, on doit considérer que la méditation en marche apporte des bénéfices et on doit la pratiquer. Des gens peuvent avoir des difficultés à observer le soulèvement et abaissement de l'abdomen quand ils sont assis. Mais ça passe que quand la méditation en marche a été faite, l'observation du soulèvement et abaissement, cette difficulté, peut être surmontée. Seulement en faisant l'action de lever, avancer et placer, ces actions requièrent un effort ordinaire. Pour être conscient de ces mouvements, un effort ordinaire est suffisant. Mais si on ajoute la concentration de la méthode Satipatthana, alors, en plus des Virya, Sati et Samadhi, l'effort, l'attention et la concentration ordinaire, on aura l'effort, l'attention et la concentration Satipatthana. Et on doit développer ça pendant la marche, en l'apportant après dans la méditation assise. Quand on observe le lever, le placer avec l'effort, l'attention et la concentration ordinaire, virya, sati, samadhi, plus la pratique des satipatthana, l'effort d'observer le lever du pied du début à la fin est fait sans perdre de vue l'objet. L'esprit reste avec le lever du début à la fin. Ça est la concentration momentanée. Ça est appelé la bhavana samadhi, la concentration bhavana. Pendant le lever, il y a la concentration ordinaire de faire les mouvements de lever et il y a aussi l'observation du lever du début à la fin du processus, en appliquant de l'énergie mentale et en visant ces deux facteurs. L'esprit tombe collectivement sur ces processus du début à la fin. C'est le même pour le placer. Il y a l'effort de placer le pied, il y a l'esprit qui vise et l'effort de garder l'esprit avec le processus du début à la fin. Donc le même type de conscience, le même type de concentration pendant les processus d'élevé du pied, se passe aussi pendant les processus de placement. Ça est quand la concentration en marche existe. Quand on observe le lever, avancer, placer, il y a la concentration ordinaire et après il y a la concentration de Satipatthana, il y a la Bhavana Samadhi dans l'action de lever, avancer, placer l'une après l'autre. Il y a des moments de concentration Bhavana et individuellement ces moments ne sont pas vraiment forts, mais quand ils apparaissent en continu, ils deviennent très puissants. Quand il y a une série de consciences qui ont la même nature, la même pureté, la même concentration l'une après l'autre, elle devient très très puissante. Ça est la concentration momentanée, Kanika Samadhi. Et Kanika Samadhi ne se casse pas facilement, elle dure longtemps. Ça est ce qui est gagné en pratiquant de la méditation en marche, une concentration de longue durée. Les gens qui pratiquent bien la méditation en marche gagnent une bonne concentration qui leur donne une claire compréhension. Donc, on doit prendre soin à la méditation en marche. On devrait faire l'effort de la pratiquer. Ça est la raison pour laquelle Sayadaw vous encourage à la pratiquer. Quand on arrive à la fin de la période assise et on veut se lever, peut-être le temps est fini ou on ne veut plus continuer après l'heure, où on n'en peut plus, alors on veut se lever. Mais ne vous levez pas immédiatement. Vous devez mettre votre attention sur l'esprit qui veut se lever. Quand vous commencez à vous lever, vous devez le faire en observant le processus en détail. Par exemple, les mouvements des bras, l'un après l'autre, se pencher, soutenir, étirer les jambes, et vous arrivez au point où le corps est supporté par les jambes. Quand vous arrivez à ce point, vous êtes sûr de sentir que les jambes supportent le corps. Vous sentez ce sens de solidité. Rigidité est le mot qui est souvent utilisé, mais est la solidité des jambes qui supportent le poids de votre corps. Donc, ne soyez pas pressé de vous lever tout de suite. Vous devrez observer le processus. Donc, ne vous levez pas soudainement, mais lentement. Et pendant que le corps s'élève, vous devez être conscient du mouvement pendant que le corps se lève petit à petit. Et vous arrivez au point où le corps est complètement debout. Observez cette posture debout. Après, peut-être, vous devez remettre en place vos vêtements après être resté assis et vous être levé. Et après cette levée, il n'y a plus d'ajustement à faire. Vous êtes simplement debout. Alors, placez vos mains devant vous ou derrière vous, de façon à pouvoir vous concentrer sur le mouvement des jambes. Quand il n'y a plus d'ajustement à faire à nos vêtements ou à notre posture, et vous mettez vos mains devant ou derrière vous, et vous focalisez votre attention sur vos jambes, alors faites l'effort d'observer chaque pas droit et chaque pas gauche. Soyez déterminé à mettre votre esprit avec les mouvements de chaque pas. Quand on pratique la méditation en marche, on doit garder le dos bien droit et ne pas plier le cou. Il doit être droit aussi. Gardez les yeux baissés pour contrôler le regard, pour ne pas regarder par-ci et par-là. Portez complètement votre attention sur les jambes et essayez de faire en soi que l'observation soit simultanée au mouvement. D'abord pas gauche, pas droit, pas gauche, pas droit. Les yogis qui marchent devraient diviser la séance en trois parties. Une première partie, observer le pas gauche et pas droit, soigner à garder l'esprit sur les pas gauche et les pas droits tout le temps pour suivre le processus. Dans les deuxièmes 20 minutes, en observant le lever et placer avec la même attention méticuleuse pour garder l'esprit sur les processus du début à la fin, pendant le lever et pendant le placer. Et puis, une troisième période en observant le mouvement en trois parties, D'abord lever, puis avancer et enfin placer. On devrait pratiquer la méditation en marche en utilisant la note mentale pendant les mouvements. Quand on bouge le pas gauche, on note pas gauche. Ou on bouge lever et placer, puis lever, avancer, placer. Car est plus simple de noter de cette façon-ci. Et ça aide l'esprit à rester connecté à l'objet. Quand on concentre notre esprit et on arrive au point où la connaissance apparaît, alors on peut observer des autres aspects. Si les jambes deviennent légères, ou si elles deviennent lâches, si elles se serrent ou si elles sont pesantes. On peut voir ces aspects se produire. Aussi, quand on observe les mouvements, quand la connaissance surgit, on peut observer les sensations des jambes qui sont poussées de l'arrière ou, par exemple, les jambes, on sent qu'elles sont tirées en avant. Quand on observe le placé, on peut observer que la jambe, par exemple, devient plus lourde et puis elle descend, ou peut-être est plus légère et elle descend, ou plus serrée avant de se placer. On arrive à voir ces qualités naturelles du processus. Tout aussi quand on mange ou on boit quelque chose. Quand on mange, on prend un bout de nourriture et on le met en bouche et on le mâche. Et pendant qu'on mâche, on arrive à sentir le goût de ce morceau de nourriture. De la même façon, quand on observe le lever, avancer, placer soigneusement. Quand on arrive au point où la connaissance commence à apparaître, alors on arrive à connaître les choses qui sont similaires au goût, les qualités de se lever, avancer, placer. Elles existent vraiment et on les observe telles qu'elles sont. Yogi, si vous voulez connaître le lever, avancer, placer, alors vous devez observer et noter soigneusement. N'est pas nécessaire de penser à ce qu'il y a dans le lever, à ce qu'il y a dans l'avancer, à ce qu'il y a dans le placer. Simplement observer. Quand vous mangez un bout de nourriture, si on fait attention, on place la nourriture en bouche et on mâche, on fait attention et on connaît son goût en ce moment. De la même façon, si nous observons la méditation en marche, on arrive à connaître les goûts, les qualités qu'il y a dans le lever, avancer et placer. Si on prend ça à la légère, si on ne fait pas d'effort pour observer, alors les jours vont passer, mais on ne connaîtra rien bien. De la même façon, quand vous mangez, vous connaissez le goût de la nourriture. Puissiez-vous être capable de connaître la vraie nature des phénomènes physiques et mentaux? Puissiez-vous appliquer l'énergie mentale, focaliser l'esprit et arriver à connaître le Dhamma? Sadhu, sadhu, sadhu.